bloqué. C'est la guerre des étoiles, je vois la vie comme George Lucas. Épisode GTA, la télé, je fais George Lacasse. La trahison me déçoit comme Obi-Wan au cannabis. On tient au bout de trois tasses de marijuana au cannabis. Donc on abuse de la main droite le samedi soir sur Canal Plus. Le viol contre-attaque car la nage, c'est pas ce qu'on a le plus. Ma part c'est différent, je recherche ma princesse Leia qui paierait son loyer, ouais, toujours de manière loyale. J'évite la noyade comme les keufs qu'on appelle Jedi. Je l'ai déjà dit jadis, donc je reste seul comme Jeba. Autocar cher, j'évite la même poilue comme Chewbacca. Baiser Chilo sans la coupe chinette, c'est vrai que j'suis baka. Abonné au bon plan, toujours malin comme R2D2. Filka, bonnet blanc, les gros muscles et l'air de Dati. Je la fais pas à l'envers, mais je te parle comme Maître Yoda. Ça tire dans tous les sens, dans mon corps, j'ai Maître Yoga. La concurrence est de taille comme celle des Walkie Walker. Quand ta vie grave, dur, on détoie au Toki Walker. On aime s'attraper haut, sud ou en vacances à Saint-Tropez. Oh, c'est trop OP, malgré que ça sert à rien comme ces 3 PO. Les embrouilles de partout, au couteau, au sabre laser. Moi, je sors le scoop et comme toujours, même ça fera l'affaire. PC, Dark Vador à bord du vaisseau spatial. La guerre pour la paix entre nous. Appelle-moi Nico Montana, recherché au Costa Rica avec un Ricard sur une terrasse. J'ai rencard en Costa requin, juste à regard. Serait au cas où il y ait des flics en civil, ça serait con de flanquer sa vie civile. Mais le frigo se vide, piquer se vit, fond. Partie de mon mental, pour le maman le démon m'attend. Maman en reparle demain matin, hey. Tu veux me carnage, je dis arrivé des chi. Car dans le deal de coke, ça m'est jamais arrivé des chi. C'est nous qui le trempe, dans les deals dans laquelle on trempe. Les flics nous collent au train, ça craint. Comme faire la bise à Kelly Trump. Cousin, viens vite goûter ma life. Une fois dans tes coins, t'es malade. De quoi t'es malade, tu rechercher même au Guatemala. Salut enchanté, moi c'est Fox et Kay le Martien. J'ai les pieds sur Mars et ma vie qui tient à rien. La tête dans les nuages, comportement évasif. C'est souvent la même, ceux qui me comprennent sont à l'asile. J'ai plus confiance à personne, les espions sont amicaux. Je parle pas gros, leurs oreilles font des écoutes. Parano, j'ai plus de chez moi, on m'appelle Mulder Richie. Pour votre gouverne de la folie, je suis l'héritier. Les affaires m'ont classé en bouteille dans leur justice. J'en suis crevé sur les plaies ouvertes, on met des rustines. Rôler ta camoufle sur ces bavures, mais ta lessive. Mes recherches, les démarques de la NASA dans les cités. Les barrettes de hache rapportent plus que les barrettes de ces culottes qu'on retrouve dans les bois martelés, séquestrés. Les hôpitaux font du marché, les frais sont des archers. J'y crois pas à l'état, appelle-moi Fox de l'anarchie. J'ai perdu des êtres chers, sûrement enlevés par la routine. C'est vrai que je galère devant X-Files et les cartoons. Guylaine me donne la gaule, je suis un café, n'oubliez pas. Je la connais, c'est ma compagne dans mes moments de solitude. Retranché, gros, je vis à des années-lumière sur une planète. Faudrait pas qu'on en vienne à mes. Au-delà du réel, la vérité vient ailleurs. Malfaiteur ou appelle-moi tout simplement Fox Mulder.